Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment Moïse se distingue-t-il des prophètes et des prêtres? Pourquoi son frère, sa sœur, Myriam et Aaron le contestent-ils? D'où vient la femme éthiopienne de Moïse? Et pourquoi Myriam est-elle punie par la lèpre? Thomas Römer, titulaire de la chaire des milieux bibliques, enseignant-chercheur d'origine allemande qui se partage entre la France et la Suisse, ancien doyen de la faculté de théologie de l'Université de Lausanne, poursuit sa grande enquête au cœur du livre des Nombres dans le Pentateuque pour sa série intitulée « Israël dans le désert, le livre des Nombres et l'achèvement de la Torah ». Depuis la semaine dernière, le philologue exégète commente et analyse en croisant fine analyse de textes, archéologie et dialogue de sources diverses au sein de la Bible et dans les cultures assyriennes, perses, égyptiennes, babyloniennes, pour mettre en valeur comment le livre des Nombres peut actualiser les lois, créer des ponts avec les autres livres du Pentateuque. Ce livre des Nombres, qualifié d'un peu déroutant, présente en son cœur de curieux récits de rébellion, note Thomas Römer. Après le conflit entre le peuple et Yahvé pour de la viande dans le désert et la complainte de Moïse sur son fardeau de guide vers la terre promise, Thomas Römer nous introduit au chapitre 12 qui est également un récit de la mise en question du rôle de Moïse. Moïse étant contesté par deux membres de sa famille, Myriam et Aaron. Nous retrouvons également ce matin la place de la prophétie et la mise en valeur du caractère unique de Moïse. Dans son ouvrage « L'invention de Dieu », publié au Seuil, Thomas Römer rappelle que dès le début de l'histoire de Moïse, et je le cite, « son statut particulier est souligné par le fait qu'il reçoit à deux reprises des révélations divines qui portent entre autres sur le nom du Dieu qu'il appelle et sur la signification de ce nom. » Moïse se distingue dans cette histoire des prophètes et des prêtres, mais aussi par son mariage mixte. Myriam lui reprochant son épouse Couchite, sa femme éthiopienne. Si nous retrouvons encore une combinaison de récits dans ce chapitre 12, l'exégète s'attache en particulier au personnage de Myriam, soulignant, et je le cite, qu'il n'est pas à exclure que derrière cette figure se cache une tradition plus ancienne sur une prophétesse ayant accompagné Moïse. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 20 avril 2017, pour la série de Thomas Römer, Israël dans le désert, aujourd'hui, le livre des Nombres, Moïse le seul médiateur, chapitre 12. C'est l'histoire de la contestation du rôle de Moïse par Myriam et Aaron, donc qui en effet, comme nous allons le voir, d'une certaine manière, représente trois parties. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore d'élection, donc c'est Yahvé tout seul qui décide comment les choses se mettent en place. Et donc, ce texte nombre 12, en fait, suit l'histoire de la contestation de la manne et aussi de la contestation de Moïse par rapport à son rôle vis-à-vis de Yahvé. Donc, nombre 12, c'est également un récit de la mise en question du rôle de Moïse, et c'est également un récit qui traite, comme nombre 11, quoique de manière différente, de la place de la prophétie. C'est un récit également de contestation, mais la contestation, cette fois-ci, se fait par des membres de la famille de Moïse. Donc ce n'est pas le peuple contre Moïse, mais c'est son frère et sa sœur qui mettent en question son rôle. Alors, tout d'un coup, en effet, on trouve Aaron et Myriam, qui, par contre, n'étaient pas mentionnés, qui étaient absents du récit précédent en Nombre 11. En Nombre 12, le texte que nous allons découvrir maintenant, Aaron, le prêtre, va, avec Myriam, contester le rôle de Moïse. Par contre, dans le récit suivant, l'histoire dite des espions, Nombre 13-14, alors là, par contre, Aaron et Moïse vont être solidaires vis-à-vis du peuple. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de changements que nous avons dans ces récits de contestation. Et une autre particularité peut-être de Nombre 12, contrairement à Nombre 11 et aussi contrairement à Nombre 13-14, c'est un texte qui n'a pas de parallèle ailleurs dans le Pentateuque. Nous avons vu que pour l'histoire de la manne des cailles, il y a évidemment des parallèles en Exode 16, pour la décharge de Moïse en Deutéronome et en Exode 18. Par contre, pour le récit ou les deux récits, parce qu'il y a deux de nouveau qui sont combinés de Nombre 12, nous n'avons pas de parallèle. Alors, essayons de découvrir ce texte. Donc, je vous livre d'abord la traduction. Myriam parla, donc c'est au singulier, Myriam parla et Aaron contre Moïse à propos de la femme couchite qu'il avait prise. En effet, il avait pris une femme couchite. Ils dirent, est-ce seulement à ou par, peut le traduire des deux manières, est seulement à Moïse ou par Moïse que Yahvé parle, ne parle-t-il pas également à nous ou par nous ? Et Yahvé écouta. Quant à l'homme Moïse, il était très humble, plus que tout humain sur la terre. C'est un peu étonnant. Soudain, Yahvé dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Sortez-vous trois vers la tente de la rencontre. » Et ils sortirent, eux trois. Yahvé descendit dans une colonne de nuée. Il se tint à l'entrée de la tente et appela Aaron et Myriam, et ils sortirent tous deux. Il dit, alors là c'est un vers assez compliqué, « Écoutez donc mes paroles. » Alors, on peut traduire, s'il y a un prophète parmi vous, de Yahvé, c'est dans une vision que je me fais connaître à lui et dans un songe que je lui parle. Le texte massorétique est très compliqué. Si on veut traduire mot à mot l'hébreu, il faudrait traduire si votre prophète est Yahvé, ce qui ne fait pas beaucoup de sens. Ou alors, il faut avoir un sens un peu postmoderne, mais a priori, je pense que ça ne fait pas beaucoup de sens. Donc, il y a sans doute un accident dans la transmission du texte. Peut-être à l'origine, on avait Navi Bachem, un prophète parmi vous. Et puis le B tombe, ça devient après Navichem, donc Naviachem. Du coup, votre prophète, ce qui évidemment ne fait pas de sens. Et donc, du coup, on peut imaginer qu'à l'origine, c'est votre un prophète de vous. Hein. Et puis Yahvé est peut-être aussi à un mauvais endroit parce que vous avez « il dit » et on aura pu imaginer « Yahvé dit ». Et ça, c'est une théorie, en effet, que Gray avait déjà émis avant les textes de Qumran. Et quand on a trouvé un fragment de ce texte à Qumran, on a en effet « Vayomer Adonai hein. ». Au lieu de simplement Vayomer, il dit, on a Vayomer Adonai, donc Yahvé dit, peut-être en effet, c'était la forme originelle. Nous ne savons pas comment, dans ce fragment de Qumran, le texte continue, mais il est possible qu'à l'origine, c'était Yahvé dit, s'il y a parmi vous un prophète. Et ensuite, donc, ce Yahvé se sera peut-être un peu promené. Mais l'idée est assez claire. Il s'agit en effet d'une manière de montrer comment Yahvé va parler au prophète. Nous verrons ça dans la suite. S'il y a un prophète parmi vous, c'est dans une vision que je me fais connaître à lui et dans un songe que je lui parle. Mais ce n'est pas ainsi en ce qui concerne mon serviteur Moïse. Sur toute ma maison, il est établi. Bouche à bouche, je lui parle. En plein vue, là aussi un petit problème dans le texte massorétique, mais le sens est assez clair, en plein vue et non en énigme. Et c'est la forme de Yahvé qu'il contemple. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse ? Et la colère de Yahvé s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée s'était éloignée de la tente et voici que Myriam était devenue lépreuse, comme de la neige. Aaron se tourna vers Myriam, elle était lépreuse. Aaron dit à Moïse, « Pardon, mon Seigneur, ne mets pas sur nous le péché que nous avons commis follement et par lequel nous avons péché. » Donc, vous voyez, il parle à Moïse presque comme il était Dieu. « Ne mets pas sur nous le péché », ça c'est quelque chose qu'on dit normalement à Dieu, et il appelle « Seigneur ». Qu'elle ne soit pas comme le mort-né dont la moitié de la chair est rongée lorsqu'il sort du ventre de sa mère. Moïse cria vers Yahvé, Dieu, ici avec il, il guérit-la donc. Yahvé dit à Moïse, si son père lui crachait à la figure, ne serait-elle pas dans la honte pendant 7 jours? Qu'elle soit donc exclue du camp pendant 7 jours et ensuite, elle sera réintégrée. Myriam fut exclue à l'extérieur du camp pendant 7 jours et le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Myriam fût admise à nouveau. Après, le peuple décampa de Hatzeroth et ils campèrent dans le désert de Paran. Voilà, donc est-ce que c'est un récit ou deux récits ? Ben, nous allons le voir, c'est plutôt une combinaison. Mais d'abord, la délimitation du texte est assez claire. Myriam, qui n'était pas mentionnée dans le récit précédent, apparaît pour la première fois au verset 1 et pour la dernière fois au verset 15. Donc, je pense qu'on peut délimiter en effet le récit ainsi, 1 à 15. Mais il ne s'agit pas d'un récit indépendant parce que le récit s'ouvre avec un narratif, va te d'abord, elle parla. Il n'y a pas vraiment d'introduction à une situation. Donc, ça veut dire que, apparemment, le verset 1 veut inscrire le récit à la suite de la narration précédente. Le récit est encadré par deux notices d'itinéraire. Donc, si vous vous souvenez, à la fin du chapitre 11, on avait dit le peuple décampa des tombeaux de la convoitise de Kivrot Hatzahava pour Hatzeroth, et ils se trouvèrent à Hatzeroth. Et à la fin du chapitre 12, après, le peuple décampa de Hatzeroth et ils campèrent dans le désert de Paran. Avec le désert de Paran, on a un petit problème parce que, en fait, le peuple était déjà dans le désert de Paran à la fin du chapitre 10. À la fin du chapitre 10, les fils d'Israël partirent du désert du Sinaï et la nuée qui les accompagne s'arrêta dans le désert de Paran. Donc soit ils sont revenus au point de départ, ou alors nous avons une sorte de reprise de Wieder Aufnahme qui suggère en fait que les récits du chapitre 11 et 12 sont en quelque sorte antérieurs à ce qui est arrivé au désert de Paran. Mais ça montre aussi, probablement, que à l'origine, on passait directement du chapitre 10 au chapitre 13-14 à l'histoire des espions dont nous allons parler la prochaine fois. Peut-être si on a le temps un petit peu déjà aujourd'hui. Alors, le désert de Paran, apparemment, se trouve quelque part entre le Negev et l'Égypte. Donc, la structure du récit, il suit en fait assez étroitement la structure de ce tout premier récit que nous avons vu au nombre 11. Parce que si vous vous souvenez, au nombre 11, avant le grand récit, il y avait un tout petit récit en quelques versets qui, simplement, donnait les éléments suivants, que le peuple se plaint, que Yahvé écoute et se met en colère, que le peuple ensuite on appelle à Moïse, Moïse qui intercède, et cette intercession porte de fruits, et à la fin, nous avons une sorte de notice étiologique. Si vous prenez nombre 12, c'est à peu près la même chose, avec évidemment des différences. Là, ce n'est pas le peuple, c'est Myriam et Aaron qui se plaignent. Yahvé écoute, se met en colère, punit. Aaron appelle à Moïse. Moïse intercède. L'intercession porte des fruits. Et à la fin, nous n'avons pas une notice étiologique, mais nous avons un itinéraire qui situe ce récit sur un chemin. Donc, apparemment, nombre 12, 1 à 16 est un peu construit suivant la grille de lecture qui est donnée tout au début des récits de rébellion. Mais si vous observez attentivement ces parallèles, est-ce que vous constatez quelque chose ? Bon, on n'a pas trop le temps, mais si vous regardez le chapitre 12, en fait, il n'y a rien dans les versets 3 à 8 qui correspond à ce schéma. Donc ça peut déjà indiquer que peut-être les versets 3 à 8 ont peut-être un statut un peu spécial. Ce qu'on peut également faire, c'est s'intéresser aux mots-clés, donc ce que Martin Buber va appeler les Leitworte, quels sont les mots-clés les plus importants. Dans la première partie, c'est clairement un mot très fréquent, la racine d'abar, parler, hein, qui est accompagné de la préposition be, donc parler par ou parler contre ou à, et qui apparaît 6 fois. Et puis on a encore les devarim Adonai, les paroles de Yahvé, donc ça fait 7 fois dans ce récit la racine d'abar. Donc ça, c'est certainement pas par hasard non plus, mais ça s'arrête de nouveau au verset 8. Et à partir du verset 9, nous avons un autre vocabulaire qui rappelle plutôt un vocabulaire sacerdotal. Un vocabulaire sacerdotal comme le lèpre, le péché, mettre en quarantaine ou exclure du camp. Donc là, on est dans un tout autre vocabulaire. Donc ça indique quelque chose déjà que nous avons en effet là deux parties dans ce récit. Et ces deux parties, on le voit aussi quand on regarde un peu la structure du récit. En fait, nous avons en effet au verset 1 une critique dont l'auteur principal est bien Myriam, parce qu'il est dit « Myriam parla » et Aaron, peut-être quelqu'un a rajouté après « et Aaron ». Peut-être c'était Myriam qui parle contre la femme couchite. Pourquoi elle parle contre la femme couchite? On verra. Et en fait, pour cela, elle est ensuite, elle seule, sanctionnée, parce qu'Aaron n'est pas sanctionné, elle est elle seule sanctionnée, et elle devient blanche comme la neige. Elle a une infection, c'est pas la lèpre qu'on la connaît aujourd'hui, mais elle a un problème de peau. Elle devient donc impure et c'est Aaron qui doit intercéder pour elle auprès de Moïse. Donc là, à la limite, on pourra passer directement du verset 1 au verset 9 et suivante. Et puis, à l'intérieur de ce récit-là, on a un autre récit qui est celle de la question vers ou à qui Yahvé parle, prophète, prêtre, et Moïse. Et donc là, c'est en fait un récit qui distingue Moïse des prophètes et des prêtres. Donc ça veut dire en fait que nous avons probablement là deux thèmes et deux traditions combinées. Le thème de la supériorité de Moïse face aux prophètes et la sanction de Myriam qui avait critiqué Moïse parce qu'il avait épousé une femme couchite. Donc, on constate en effet qu'au verset 1, comme je vous ai dit, c'est Myriam qui parle. Donc, Aaron est un peu, il fait un peu une sorte de figuration. Il n'est pas vraiment partie prenante de ce premier récit. Alors que dans le deuxième récit, au verset 2, il, au pluriel, donc les deux, Aaron et Myriam parlent. On a déjà observé qu'il y a un changement de vocabulaire à partir du verset 9. On peut aussi, et ça évidemment c'est peut-être une approche un peu plus objectivant, s'intéresser à quelque chose de plus statistique. C'est-à-dire vous pouvez prendre simplement les propositions hébraïques, évidemment il ne faut pas travailler sur la traduction française, vous prenez les propositions hébraïques où vous regardez combien de mots a chaque proposition. Et ça c'est assez intéressant parce que du coup on voit que dans les versets 1 et 10 et 15, les mots sont beaucoup plus fréquents dans une proposition. On a 5 et quelques pourcents de mots dans une phrase, alors que dans l'autre récit, c'est plus court. On arrive à 3,73 ou 3,6 selon si ou non on compte le verset 6. Donc là, en effet, c'est un système pour montrer en fait que l'auteur, peut-être, s'il y a deux auteurs, l'auteur de l'histoire de Myriam qui conteste la femme de Moïse utilise des phrases plus longues. C'est lui qui parle de la contestation du statut spécial de Moïse, utilise des phrases plus courtes. Donc là, c'est quelque chose qui est un peu objectivable et qui peut en effet s'ajouter à d'autres observations diachroniques. Donc, il me semble assez clair que nous avons affaire en fait à deux versions, deux strates différentes. La critique du mariage par Myriam qui commence au 1 et est repris dans la suite, 10 à 15, et puis le deuxième récit où Yahvé, par un long discours, explique le statut privilégié de Moïse par rapport au prophète. Après, le verset 3, c'est un peu curieux, c'est peut-être presque un ajout parce que il ne fait pas tellement de sens à l'intérieur, on va le voir. Il faut voir aussi pourquoi on insiste tellement sur l'humilité de Moïse. Donc on pourrait dire qu'on a un récit A, 1, 10 à 15, un récit B, 2 à 9, sans le verset 3, qui est peut-être un ajout. Du coup, lequel est le premier? Est-ce que c'est la contestation du mariage par Myriam, ou est-ce que c'est la contestation du rôle unique de Moïse par Myriam et Aaron? On n'a pas le temps de faire du sondage, mais ce serait intéressant. Qu'est-ce que vous direz? Quel est le plus ancien des deux? Pardon? La contestation de Moïse. Alors, pourquoi? Traditionnellement, on a toujours dit que c'est le récit A, la femme couchite, qui sera le plus ancien parce que dit il y a une introduction, on peut le reconstruire très bien, alors que le B semble plutôt être inséré dans le A. C'est vrai, mais en même temps, le A n'est pas non plus un récit totalement indépendant parce qu'il manque l'intervention de Yahvé. Donc vous avez besoin des deux d'une certaine manière. Et moi, je voudrais plutôt plaider, en effet, comme disait monsieur, pour que ce soit B, donc la contestation de Moïse par Myriam et Aaron, qui est le récit premier. Et pourquoi? Ben, c'est très simple. Parce que il répond d'une certaine manière à une idée qui était proposée au chapitre 11. Vous vous souvenez du chapitre 11? Qu'est-ce qu'il y avait au chapitre 11? Au chapitre 11, Moïse avait dit que tout le peuple soit un peuple de prophètes, et qu'en fait, finalement, il n'y avait pas de différence entre Moïse et les prophètes parce qu'il y avait en fait une partie de l'esprit de Moïse qui était donnée aux 70 anciens qui avait tout prophétisé. Et donc, il y avait une sorte de démocratisation de la prophétie. Et le statut spécifique de Moïse n'était pas du tout souligné. Donc, on avait l'impression que tout le monde peut être prophète et qu'il n'y a pas de différence entre Moïse et les prophètes. Tout le monde peut, en effet, c'est très protestant, tout le monde est en fait directement en phase avec l'Éternel et peut donc recevoir ses oracles. Et on a l'impression que l'auteur des versets 2 à 9 n'était pas très content avec cette idée-là. Il s'est dit, il faut quand même clarifier un tout petit peu les choses. Et donc, c'est pour cela, on peut très bien imaginer qu'après, et vous voyez comment ça nous apprend aussi quelque chose sur le livre des Nombres. C'est comme une réécriture constante. C'est vraiment le début de l'idée judaïque sur ce que c'est l'écriture et ce qui est la réinterprétation constante. Donc, je pense... Le chapitre 11 est plus ancien que le chapitre 12. Et au moment où le chapitre 11 était déjà intégré dans ce rouleau qui devient plus en plus le livre des Nombres, il y a un groupe qui s'est dit non, ça va pas. Mais en même temps, on ne l'a pas supprimé, le chapitre 11. On l'a laissé. Mais on a rajouté un autre récit qui fait du chapitre 11 une sorte de épisode qui s'était passé une fois, mais après, on clarifie les choses. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est fondateur même, d'une certaine manière, pour l'approche plus tard du judaïsme par rapport à son texte, parce que vous avez la même idée après dans le Talmud. Talmud, vous savez aussi, il n'y a pas de cohérence, d'une certaine manière. Il y a des rabbins qui disent ça, il y a d'autres rabbins qui disent juste le contraire, en se basant sur la vie précédente, mais c'est cette idée, en fait... d'une réactualisation constante, et qui est aussi d'ailleurs un indice que dès le début, le judaïsme n'a jamais eu une lecture littéraliste de ces textes. Il a toujours en effet compris que ces textes sont à réinventer, à réinterpréter. Et ce que fait l'auteur de 12 à 9, il fait ça. Il dit, ok, on a raconté l'histoire de Moïse, les 70 anciens, Moïse qui dit que tout le peuple peut être un peuple de prophètes, mais maintenant on va montrer en fait que Moïse est quand même bien supérieur aux autres prophètes. Et du coup, Moïse tellement supérieur aux autres prophètes, il y a un autre rédacteur ou auteur qui a profité de l'occasion, a dit, s'il y a déjà un récit de critique de Moïse, moi, je vais en ajouter un autre récit de critique de Moïse pour montrer, en fait, que, contrairement à ce que dit le Deutéronome, qu'il ne faut pas épouser des femmes étrangères, on peut très bien le faire, puisque Moïse l'a fait. Donc, nous allons voir, en fait, comment, sur ce premier récit, un deuxième récit qui légitime, en fait, ce qu'on va appeler le mariage mixte, qui n'est peut-être pas l'expression la plus heureuse, mais bon... appelle ça comme ça, et peut-être, donc, du coup, encore l'ajout du verset 3. Donc, on peut avoir un schéma comme ça, donc une sorte de reprise de Fortschreibung corrective du thème de la prophétie, sur lequel est venu se greffer par un encadrement le thème du mariage de Moïse. Et ensuite, on a encore, et nous allons voir pourquoi, ajouter le verset 3. Bon, vous pouvez avoir d'autres avis, c'est une hypothèse. Le Collège de France et France Culture vous présente l'exégète philologue Thomas Römer, Israël dans le désert. Aujourd'hui, le livre des Nombres, Moïse, le seul médiateur. Alors, on peut avoir quelques idées sur le contexte socio-historique de ces deux étapes de réécriture. Si on regarde d'abord le contexte de la contestation de Moïse par Myriam et Aaron, ben on pourrait dire que ça pose en effet la question de la médiation de la parole de Yahvé par les prophètes, Myriam, et par Aaron, représentant sans doute le pouvoir sacerdotal. Ce que nous observons, en fait, qu'il n'est pas, les prophètes en soi ne sont pas disqualifiés d'emblée, mais Moïse est en effet distingué des prophètes, puisque avec lui, Yahvé communique bouche à bouche, PLP. Donc c'est un peu comme le face à face que nous avons tout à la fin dans le Deutéronome. Vous vous souvenez, à la fin du Deutéronome, au chapitre 34, il y a cette épitaphe sur Moïse. Il n'y a jamais eu un prophète comme Moïse que le Seigneur a connu face à face. Et ici, ça va presque un peu plus loin encore que nous allons voir. Nous avons clairement une affirmation d'une sorte de qualité incomparable de Moïse. Et cela, en effet, peut s'expliquer au moment où on essaye de compiler la Torah, le Pentateuch. Donc, ça peut être ceux qu'on peut appeler les rédacteurs du Pentateuch. C'est ceux qui compilent le Pentateuch et qui veulent en effet montrer que l'accès privilégié à la parole ou à la volonté divine, c'est Moïse, c'est-à-dire c'est la loi, d'une certaine manière. Et on a intégré aussi Aaron, bien que c'est quand même surtout le prophétisme qui est visé ici, mais on a rajouté Aaron pour dire aussi que Moïse ne dépasse pas simplement les prophètes, mais aussi le pouvoir sacerdotal. Parce que, souvenez-vous, dans Lévitique, c'est Moïse, en fait, qui va consacrer les premiers prêtres. Et bon, on l'a vu quand on a travaillé sur le livre de l'Exode, qu'il y a quelques textes où on essaie un peu de pousser le rôle d'Aaron, mais dans l'ensemble, quand même, Aaron, tout en étant le frère aîné de Moïse, reste quand même inférieur à Moïse. Donc, je pense, cet renforcement du rôle de Moïse se fait au milieu du IVe siècle, au moment où on commence à fabriquer le Pentateuch. Ça ne veut pas encore dire le Pentateuch tel que nous l'avons aujourd'hui, mais le concept d'un Pentateuch qui commence avec la création du monde et qui va jusqu'à la mort de Moïse. D'ailleurs, on observe aussi dans les textes de l'époque perse, voire encore plus récents, des conflits avec des milieux prophétiques. Ainsi, dans le livre de Néhémie, qui est construit comme une sorte de mémoire de Néhémie, et Esdras-Néhémie ont en effet une position assez dure par rapport à la loi, etc. Nous allons le voir par rapport aussi au mariage mixte, où en effet, Néhémie dit « Souviens-toi, mon Dieu, de Tobia, de Sanballat, donc ça c'est ses ennemis donc dans le nord et à l'est, mais aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à me faire peur. » Donc qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique quand même qu'il y avait apparemment quand même un milieu prophétique assez important, et apparemment un milieu qui est mené par une femme, parce que c'est la seule qui est mentionnée de nom, hein, Noadia et les autres prophètes. Donc il ne faut peut-être pas imaginer les prophètes comme entièrement masculins, hein, donc il y a aussi des prophétesses, et qui apparemment sont en opposition à la politique de Néhémie. Et nous avons un texte aussi très curieux dans la deuxième partie, ou dans le Deutéro-Zacharie, ou Trito-Zacharie, donc texte certainement de l'époque hellénistique, où il y a là aussi une critique assez virulente des prophètes, qui va beaucoup plus loin de ce que nous avons dans le Deutéronome, où il y a un oracle divin, oracle de Yahvé Tsevaot, qui dit « J'expulserai du pays les prophètes. Même si quelqu'un prophétise au nom de Yahvé, ses parents doivent en fait le dénoncer. En ce jour-là, chaque prophète rougira de sa vision pendant qu'il prophétisera. Donc là, il y a vraiment l'idée que les prophètes deviennent illégitimes et donc du coup, en fait, le seul accès à la parole divine, c'est en effet la Torah, la loi. Donc si les milieux producteurs des livres d'Esdras-Néhémie et peut-être aussi celui qui écrit Zacharie 13 sont à mettre en relation avec des milieux proches de la Torah, on peut voir aussi en nombre 12 le reflet d'une opposition prophétique à faire de la loi l'unique moyen d'accès à la volonté divine. Donc le conflit que nous avons en Néhémie et en Zacharie, il commence peut-être déjà en nombre 12. En effet, ce conflit va se terminer au 4e, 3e siècle par la victoire en fait du milieu proto-rabbinique qui va transformer la prophétie vivante en prophétie du livre. Parce qu'après, dans le judaïsme, le vrai prophète, c'est le prophète mort, c'est-à-dire c'est le prophète dont nous avons le livre. Après, dans le Talmud, vous avez cette idée que, à l'époque perse, la prophétie s'est arrêtée et l'esprit de Yahvé a été transféré sur les sages et sur les scribes, c'est-à-dire sur ceux qui gardent et transmettent le livre. Alors, quel pourrait être le contexte socio-historique du deuxième récit de la critique de la femme couchite? Alors là, ça fait penser d'emblée à tous ces débats autour de ce qu'on appelle les mariages mixtes, un thème important dans le livre d'Esdras-Néhémie, mais aussi déjà dans le Deutéronome. Et évidemment, nous allons le voir un peu plus en détail, la mention de la femme couchite, ça fait penser à quoi ? Ça fait penser à l'Éthiopie, et je vais vous le montrer plus précisément, peut-être, à la diaspora juive d'Éléphantine. On y reprendra ça dans un petit moment. Ce qui est clair, que l'auteur de ce texte s'inspire du langage sacerdotal, il connaît donc les textes de l'Exode, du Lévitique, et va les utiliser, en fait, pour montrer que le pouvoir sacerdotal doit aussi se soumettre à Moïse. Et donc là, on a plutôt, via Moïse, la légitimation d'un milieu beaucoup plus ouvert par rapport à ces mariages mixtes. Et ça, évidemment, ça fait penser à un texte dont nous avons parlé l'année dernière, à l'histoire de Joseph, hein, puisque Joseph aussi pratique les mariages mixtes. Donc c'est une idéologie similaire à celle du roman de Joseph. Bon, maintenant, voyons un peu quelques détails de ce texte, en commençant par Myriam. Myriam est la femme couchite. Donc Myriam, on ne sait pas trop de choses sur Myriam. Probablement, comme pour Moïse, nous avons peut-être en effet là aussi un nom égyptien. Hein, Moïse, nous l'avons vu, c'est clairement un nom égyptien. Aaron, probablement aussi. Et Myriam, ce n'est pas impossible. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Myriam ? Elle apparaît dans la Bible 7 fois. 7 fois seulement. D'abord, la première fois, nommément en Exode 15, au moment où, en effet, le peuple a traversé la mer et Moïse d'abord chante un long psaume et après on dit Myriam, la prophétesse avec les femmes, entonna ce petit cantique où, en effet, elle célèbre Yahvé qui a jeté dans la mer Pharaon et ses armes. Alors on peut dire, mais Myriam, elle était déjà là au moment de la naissance de Moïse ? Oui et non, parce qu'il est bien question d'une sœur qui va surveiller ce qui se passe, mais cette sœur ne porte pas de nom. Alors est-ce Myriam ou est-ce une autre tradition ? Difficile de savoir, le nom n'est pas mentionné. Mais si vous voulez le rajouter au dossier, on peut, simplement en sachant que le nom Myriam n'apparaît pas. Après, Elle apparaît dans des généalogies, en effet, comme étant la sœur de Aaron et Moïse. Donc Amram et Jochebed, qui sont les parents. On trouve ça dans le livre des Nombres au chapitre 26 et aussi dans les chroniques où il est cité en tant que fils de Amram, Aaron, Moïse et Myriam. Bon, fils peut-être dans un sens un peu englobant. Et puis la triade apparaît encore en Michée 6 chez « Je te fais sortir d'Égypte, je te délivrerai de la maison d'esclavage et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. » Donc une sorte de guide, une triade de guides. Et puis on arrive au chapitre 12 du livre des Nombres. C'est le seul récit, en fait, sur Myriam que nous avons. Après, nous avons ces textes du Deutéronome où il est question de faire attention aux maladies de type de lèpre. Disons, souviens-toi ce qui est arrivé à Myriam. Alors là, c'est intéressant aussi. Est-ce que c'est un texte qui résume Nombre 12 ou, pour aussi réfléchir dans l'autre sens, est-ce que c'est cette courte notice-là qui a inspiré l'auteur d'expliquer de manière narrative le lien entre Myriam et la lèpre? Peut-être il y avait un souvenir de cette prophétesse qui avait la lèpre, et puis après on a utilisé cela au Nombre 12. Donc difficile de savoir. Et dernière mention de Myriam, c'est au chapitre 20 des Nombres, où en effet on raconte la mort de Myriam à Kadesh, où le peuple en fait va déjà arriver au chapitre 13 qui viendra après ce récit. C'est là que mourut Myriam et qu'elle fut enterrée. Donc comme Moïse et Aaron, Myriam va également mourir en dehors du pays, et c'est en effet avec Aaron qui meurt un peu plus tard. Les deux précèdent Moïse, mais les trois, en fait, partagent un peu le même destin. Donc, si vous voulez, avec ça, faire une biographie de Myriam, c'est difficile. C'est très difficile. Après, on peut toujours inventer beaucoup de choses. Mais le récit biblique ne dit pas beaucoup de choses. C'est souvent des textes plutôt récents, peut-être à l'exception d'Exode 15. Mais en même temps, est-ce qu'on aura inventé une Myriam simplement à la fin? C'est difficile de savoir. Il me semble quand même que derrière cette figure peut se cacher une tradition plus ancienne sur une prophétesse en lien avec Moïse. Et si son nom est en effet, comme nous l'avons imaginé, d'origine égyptienne, on peut en effet imaginer que ce lien entre Moïse et Myriam peut être assez ancien, qu'on imaginait peut-être, mais là, on n'a pas de texte, vraiment, que Myriam, avec Moïse, était aussi en lien avec l'Égypte. Il faut aussi nous dire que, malheureusement, il y avait certainement des récits qui circulaient, mais que les auteurs, les rédacteurs n'ont pas forcément tous intégrés. Il ne faut pas imaginer que ce que nous avons dans le Pentateuque était le seul récit qui circulait. Je vais vous donner après un petit exemple. Il y avait certainement beaucoup plus de choses. Et tout ce qui concerne les femmes, on n'a peut-être pas trop, comment dire, insisté sur ces traditions-là. Peut-être, en effet, il y avait une tradition beaucoup plus forte, ce Myriam, mais qui, voilà, que nous avons du mal à reconstituer. Donc, je vous ai montré ce texte de Néhémie, où apparemment cette Noadia, quand même la chef de tout un groupe de prophètes. Alors Myriam avait peut-être un rôle comparable. Voilà, et je ne sais pas, peut-être on trouvera encore des éléments, mais au niveau biblique, ça reste assez limité. Alors, maintenant, il faut nous intéresser à cette femme couchite. Donc, Moïse est apparemment le mari de deux femmes. Tsipora, vous vous souvenez de Tsipora, qu'il a épousée quand il était dans le pays de Madian, fille de Jéthro. Et maintenant, on apprend au chapitre 12 du livre des Nombres qu'il avait épousé une femme couchite. Alors, qui est cette femme couchite? Elle ne porte pas de nom. Et c'est pour cela qu'il y a eu, depuis les rabbins jusqu'à récemment ou jusqu'à aujourd'hui, des gens qui pensent en fait que c'est les mêmes, que Tzipora soit la femme couchite. Ce qui pose beaucoup de problèmes. Il faut plutôt penser qu'il s'agit d'un mariage récent. D'ailleurs, il est bien dit, et il critiqua Moïse à cause de la femme couchite qu'il avait prise. Et c'est plutôt, en effet, tel que c'est formulé, ça fait penser à un mariage récent. D'autant plus que, si vous lisez chapitre 18 du livre de l'Exode, il est aussi question d'une sorte de renvoi de Tzipora par Moïse, qui n'est pas très clair non plus. Est-ce que Moïse aura divorcé de Tzipora? Bon, pas très clair, mais peu importe, ici, à mon avis, on ne peut pas, si on veut respecter le texte, interpréter autrement qu'il s'agit en effet d'un autre mariage, d'un mariage avec une femme couchite. Et cette femme couchite, elle va clairement venir de Couche, de la Nubie ou de l'Éthiopie. C'est en effet l'idée unanime de tous les textes bibliques et aussi des textes grecs de la Septante qui parlent de Couche. Donc il s'agit bien de l'Éthiopie ou de la Nubie. Si on prend un texte comme Jérémie 13, un couchite peut-il changer sa peau, un léopard ses taches? Donc là, ce texte sous-entend évidemment que le couchite soit noir comme les taches du léopard. Donc Moïse a épousé une femme noire. C'est donc un mariage mixte, un mariage récent. Et qu'est-ce qu'il se trouve derrière? Si vous regardez la carte, je pense qu'il n'y a qu'une seule explication. Le contexte, c'est la communauté judéenne installée dans l'île d'Éléphantine, qui est justement en face du pays de Couche. Et donc, il est tout à fait normal d'imaginer que ces gens-là, évidemment, prenaient des femmes qui n'étaient pas trop éloignées de là où ils se trouvaient. D'ailleurs, ce texte de Sophonie fait sans doute aussi allusion à cette diaspora d'Éléphantine. Donc, je pense que derrière ce texte, il y a une allusion au fait que ces Judéens, les habitants d'Éléphantine, avaient ou s'étaient mariés avec des Couchites. Et c'est légitime d'une certaine manière ici par Moïse lui-même, dont on raconte qu'il avait épousé une femme Couchite. Et pourquoi on raconte ça? Si vous prenez que le récit biblique, il n'y a aucune explication. Où est-ce qu'il a rencontré? Pour Tzipora, on nous raconte, il est à côté du puits, elle arrive, etc. Donc on a une magnifique histoire de rencontre. Et pour la femme couchite, on n'a pas grand-chose. Par contre, si on regarde à l'extérieur de la Bible, on a toute une tradition sur Moïse et la princesse couchite. Il faut regarder notamment chez Flavius Joseph, qui raconte, comme d'ailleurs un dénommé Artapan dont nous ne savons pas grand-chose, probablement un auteur juif de la fin de l'époque perse ou début de l'époque hellénistique, qui nous est transmis que par des sources plus récentes, que Moïse, en fait, lorsqu'il était en Égypte, menait des guerres pour Pharaon et faisait donc des campagnes contre les Couchites. Mais après, quand il arriva dans le pays de Couche, comme c'est un homme magnifique, bon, il apprenait aux Couchites toute la civilisation, toute la culture, et surtout, trouve une magnifique princesse avec laquelle il se mariait, et il devenait même prince de Couche, d'une certaine manière. Ça, c'est une histoire qu'on trouve chez Flavius Joseph, Et d'où vient cette idée de la femme éthiopienne? Donc ça peut à la fois, comme je vous ai dit, refléter une situation tout à fait concrète de la diaspora à Elephantine, mais il y a peut-être aussi une sorte de souvenir du fait que les pharaons souvent ont pris des épouses éthiopiennes pour symboliser leur domination sur le pays de Kouch. Donc, nombre 12, ce n'est pas le point de départ de cette tradition, c'est plutôt le reflet de cette tradition qui a dû exister, à mon avis, au moment où on a compilé le Pentateuch. Donc, vous voyez, au moment où on a compilé le Pentateuch, il y avait des histoires beaucoup plus, bien d'autres que ceux qui, finalement, ont fait leur entrée dans la Torah. Alors, justement, ce qu'on va dire sur Moïse, c'est qu'il a un statut tout à fait particulier par rapport aux prophètes. Donc, voyez comment ce poème sur les prophètes est construit. S'il y a un prophète parmi vous, je me fais connaître lui dans une vision, mais pas, et dans un son, je lui parle. Pas du tout la même chose pour Moïse. Je lui parle bouche à bouche, et non pas dans un songe, et pas dans une vision, mais en pleine vue. Donc ça veut dire, en effet, ici, on dit, contrairement à ce qu'on dit dans d'autres textes, que Moïse voit Yahvé. Il voit la temouna, la forme de Yahvé. Et ça, évidemment, c'est contre la vision deutéronomiste, parce que dans le Deutéronome, Moïse est, en effet, le premier des prophètes, mais il n'est pas vraiment distingué, si vous prenez le chapitre 18. Par contre, ici, il y a une claire distinction. Les prophètes, c'est par vision, par songe, donc des choses qu'il faut interpréter, qui sont jamais claires, alors que Moïse, c'est bouche à bouche. Et il va la temouna de Yahvé. Alors là aussi, la temouna, difficile vraiment à traduire, c'est la forme, la figure, un mot pas très courant. C'est évidemment aussi, d'une certaine manière, une réécriture de Deutéronome 4, parce qu'en Deutéronome 4, Moïse dit « Lorsque vous étiez vous-même à l'Horeb, vous n'avez vu aucune forme, aucune temouna, le jour où Yahvé vous a parlé. Vous avez entendu juste une voix, vous n'avez pas vu de forme. » Et Moïse, par contre, il voit la forme. Comme dans le psaume, où il est question d'un psalmiste qui, le matin, je verrai la temouna de Yahvé. Peut-être le sens original de temouna, c'était que c'était la statue, en fait, la représentation de Yahvé. Et donc, Moïse a ce privilège que le peuple n'a pas, selon Deutéronome 4, et il est le serviteur de Yahvé. C'est lui qui est, en effet, sur la maison, Al-Bayit. C'est un titre, en fait, un titre pour un chancelier, premier ministre, majordome, titre qu'on connaît aussi en dehors de la Bible, parce qu'on parle d'un chancelier Shevna, en Ésaïe 22, qu'on retrouve après dans une inscription tombale à Siloué, à Silouane, où on voit, en effet, que c'est un terme qui existait aussi en dehors de la Bible. Donc, c'est vraiment le premier après le roi. Et donc, vous pouvez aussi le comparer ici avec ce relief de Darius à Persépolis, où vous avez le roi et le prince héritier, qui est l'égal du roi, et devant eux se tient, en effet, le premier, le chancelier. Ou encore, à cette stèle-là, c'est lui qui le couronne, c'est lui qui, en fait, s'occupe de toutes les affaires. Donc Moïse est vraiment le chancelier de Yahvé, d'une certaine manière. Et à la fin, on revient sur Myriam qui avait critiqué la femme de Moïse et qui donc est elle-même maintenant dans un état d'impureté. Donc probablement l'idée, c'est que Moïse a épousé une femme impure, elle-même fait maintenant l'expression de l'impureté, ou comme Les rabbins ont dit « Moïse a épousé une femme noire ». Et maintenant, Myriam, elle devient blanche comme la neige. Donc, c'est un peu cette idée de punition à l'opposé. C'est peut-être pas totalement faux, cette observation. Hein. Donc, Myriam, ici, est, en effet, sanctionnée pour s'être opposée au mariage. Donc, les deux sont liés au mariage, en fait. Hein. Myriam est sanctionnée parce qu'il s'est opposé au mariage de Moïse, de la même manière qu'est sanctionné celui qui n'accomplit pas le Léviéra dans le Deutéronome. Donc, Myriam, qui, elle, avait au début de l'histoire une attitude d'exclusion, qu'est-ce qu'il veut faire avec cette femme couchite, et elle-même, maintenant, dans une situation où elle sera, elle aussi, exclue, mais seulement 7 jours. Puisque, si vous prenez le Lévitique, il y a 2 périodes de 7. Le prêtre, d'abord, isole pendant 7 jours, après, il va, si c'est pas trop grave, une deuxième fois 7 jours, et après, c'est bon. Alors que, dans le Lévitique, donc on a 14. Par contre, ici, l'exclusion est réduite à 7 jours. Est-ce une concession à cause de l'intercession de Moïse ou est-ce qu'elle est de fait déjà guérie et les 7 jours correspondent en fait à la deuxième période de sa purification? Voilà. Donc, résumons brièvement. Nous avons dans ce texte un texte, à mon avis, très intéressant qui reflète un certain nombre des conflits au moment où on construit le Pentateuque. Mais on voit aussi comment, en fait, c'est un récit d'une double réécriture, d'une double Fortschreibung. D'abord, d'une correction de nombre 1, 11, et en même temps, l'introduction d'une nouvelle thématique. Donc, 2 grandes questions sont réglées, celle de la prophétie et celle des mariages mixtes. Et les deux, en fait, sont d'accord pour affirmer la supériorité de Moïse par rapport à tous les autres médiateurs. Du Collège de France, vous venez d'écouter le 20 avril 2017 la série de Thomas Romer, Israël dans le désert, aujourd'hui le livre des nombres, Moïse le seul médiateur. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Thomas Romer. Il a publié au Seuil L'invention de Dieu en 2014 et chez Bayard en 2016 avec Albert de Purie et Conrad Schmitt, l'Ancien Testament commenté, la Genèse. Réalisation Anne Sacheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivons en compagnie de l'exégète philologue Thomas Romer sa série intitulée Israël dans le désert. Nous aborderons les 40 ans dans le désert, justement. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.